Radiomatique. L'introduction de cette transmission 071 d'Audiomatic était la responsabilité du groupe néerlandais The Gathering qui, à leur début, exploitait un style death doom metal pour par la suite évoluer vers un style rock atmosphérique incorporant des sonorités électroniques. De leur album Souvenirs, nous entendions la chanson We Just Stopped Breathing. Pourquoi se limiter lorsque les possibilités sont illimitées? C'est la question qui guide les électronistes dans leur recherche constante d'artistes qui définissent ou redéfinissent les genres en utilisant les outils analogiques et synthétiques à leur disposition pour créer leurs pièces. Dans l'univers de la musique électronique, les limites n'existent plus puisque les sons deviennent des entités sans fin. En fait, la seule limite est la capacité de l'humain à entendre les sons inaudibles de haute ou de basse fréquence ou encore à décoder un ensemble tellement dense de sons que le cerveau n'arrive pas à toutes les assimiler. Néanmoins, si l'on prend chaque son isolé, celui-ci peut générer une émotion pour qui prend la peine de l'écouter et de le décoder. En fait, les sons synthétiques ou organiques ont comme finalité une émotion. Et l'amalgame des sons crée une musicalité. La musique électronique devient ainsi la concrétisation, l'organisation et le lieu de transmission des sons et des émotions. Voici le projet de musique concrète de la formation Deform, la pièce Quantique Musique. Hello. Le projet Sunlux fermait cette séquence musicale avec sa pièce Pyre, tirée de son avant-dernier album intitulé Lanterns. Avant, c'était Arca, le projet de l'artiste vénézuélien Alejandro Garci, qui nous offrait sa composition Bullet Chain de l'album Xen, paru en 2014. Et l'artiste français Philippe Fichaud de la formation Difforme amorçait cette suite de trois pièces avec Quantique Musique, une composition créée avec son projet Musique Concrète dont l'album intitulé Cinema Obscura vient tout juste de paraître. Les électronistes vous offrent maintenant à entendre à Audiomatique le projet britannique Music. Was it really necessary? Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait. 80. Précédemment à la pause publicitaire, la séquence musicale s'achevait avec la musique du duo anglais Isan, formé de Robin Saville et Anthony Ryan. Isan, I-S-A-N, serait un acronyme pour Integrated Services Analog Network. Ils nous présentaient leur composition « Damil 85 » parue sur l'album compilation « Clockwork Menagerie ». Et pour débuter, il s'agissait de Michael Paradinas, ou si vous préférez « Music », qui s'orthographie avec la lettre grecque « mu » suivie de « z-i-q » pour « Music ». Nous entendions la pièce « Mine Held » de son album « Bilious Paths » lancé en 2003. Enchaînons maintenant avec la formation Curlian Camera qui nous offre son interprétation de la pièce Julia Dream, originellement composée par Pink Floyd. Thank you. Call the girl. Nous entendions la formation française Aaron, qui s'écrit A majuscule A minuscule R-O-N, les trois dernières lettres en majuscule. Donc Aaron, formé des musiciens Olivier Coursier et Simon Buret. La pièce Magnetic Road se trouve sur leur tout nouvel album We Cut the Night, album que le duo nous présentera ce samedi 20 février au Metropolis dans le cadre de l'événement Montréal en lumière. Avant Aaron, nous entendions la formation italienne Hidden Place et sa pièce Scenari d'Occidente, tirée de leur dernier album Nove Cento, dont la parution remonte à 2012. Et c'est une formation italienne, une autre, à savoir Curlian Camera, qui se faisait entendre précédemment avec sa version de Julia Dream, une pièce composée à l'origine par Pink Floyd. Cette version se trouve sur l'album Shadow Mission Held 5 de Curlian Camera. Cette transmission 071 d'Audiomatique n'a plus qu'une seule pièce en réserve pour vous. Il s'agit d'une chanson qui a été originalement composée et interprétée par le chanteur américain Mark James en 1968, mais qui a été réellement popularisée en 1969 lorsqu'un certain Elvis Presley l'a enregistrée sur disque. Nous entendrons donc la chanson Suspicious Minds, ici reprise par le Britannique Paul Fryer. Les électronistes espèrent que vous avez passé du bon temps durant cette heure dédiée à la musique électronique et ils espèrent aussi vous retrouver mercredi dès 17h en direct sur les ondes de CFOU 89.1 FM pour la transmission 072. Entre-temps, nous vous suggérons de visiter notre profil facebook.com/audiomatique-CFOU afin d'avoir accès à nos archives. Voici donc Paul Fryer qui nous interprète la célèbre chanson « Suspicious Minds ». Bonne écoute et bonne semaine. I can walk out because I love you too much, baby. Catastrophe.